Jehovah has spoken with me, beloved people. Le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi, personne bien-aimée. Today, aujourd'hui, the Lord Jehovah has spoken with me in a myriad of conversations. Le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi dans une myriade de conversations. Beginning last night, commençant la nuit passée, and last night, et la nuit passée, when the Lord visited with me, quand le Seigneur m'a visité, Jehovah Elohim, God the Father, Jehovah Elohim, Dieu le Père, he lifted me up and took me to Israel. Il m'a élevé et m'a emmené en Israël. And when he reached Israel, et quand il est arrivé en Israël, and he began to show me, il a commencé à me montrer the situation of the people, la situation du peuple, his covenant people in Israel, son peuple de l'Alliance en Israël. And then after that, et ensuite, après cela, God the Father himself, Dieu le Père lui-même began to show me, a commencé à me montrer the lineage of he that speaks with you, la lignée de celui qui parle avec vous in Israel, en Israël. And he arranged the lineage, et il a arrangé la lignée, and he said, look, et il a dit, regarde, you are in the lineage of the Messiah, tu es dans la lignée du Messie. That after you, then the Messiah comes, après toi, ensuite le Messie vient. In the lineage of the Messiah, dans la lignée du Messie. So that was a tremendous conversation yesterday at night. Et c'était une conversation extraordinaire hier dans la nuit. When the Lord took me to Israel, lorsque le Seigneur m'a emmené en Israël, he took his two prophets to Israel, il a emmené ses deux prophètes en Israël, and then he arranged the lineage and he showed he that speaks with you. Et ensuite, il a arrangé la lignée et il a montré à celui qui parle avec vous his lineage relating to the Messiah, sa lignée apparentée au Messie. And after him, then you see down here came the Messiah. Et après lui, alors vous voyez, là en bas, vient le Messie. And then after that, a big conversation ensued. Et ensuite, après cela, une grande conversation s'en est suivie. So the Israelites began to come. Ainsi, les Israéliens ont commencé à venir. They began to come. They said, look, ils ont commencé à venir. Ils ont dit, regardez, he belongs to the lineage of the king. Il appartient à la lignée du roi. He belongs to the lineage of the king. Il appartient à la lignée du roi. They call him the king, Amalek. Il l'appelle le roi, Amalek. He belongs to the lineage of the king, and then he was able to begin ministering to the covenant people, the Jewish people. Il appartient à la lignée du roi, et ensuite il était en mesure de commencer son ministère auprès du peuple de l'Alliance, le peuple juif, the blessed people of the Lord, the Israelites, le peuple béni du Seigneur, les Israéliens. So again, the lineage of the Messiah. Ainsi, à nouveau, la lignée du Messie, the relative of the Messiah, le parent du Messie. So that was a very tremendous conversation in the night. Ainsi, c'était une conversation très extraordinaire dans la nuit. And then today, as I was preparing to go, the bishops had arrived here. Et ainsi, aujourd'hui, comme je me préparais à aller, les bishops arrivent ici. To go have a meeting. Aller pour une réunion. And then, all of a sudden, the Lord slays me. I'm not able to leave. Et ensuite, tout à coup, le Seigneur m'a évanoui. Je n'étais pas en mesure de quitter. And then he begins to speak with me in a very shocking way. Et ensuite, il commence à parler avec moi d'une manière très choquante. First takes me all the way to Peru. D'abord, il me prend tout le chemin au Pérou. In the first part of this afternoon. Dans la première partie de cet après-midi. He takes me to Peru, so. Il m'emmène au Pérou, ainsi. The Spirit of the Lord takes me all over Peru. I see the areas of concern. I see some abandoned buildings. L'Esprit du Seigneur m'a emmené sur tout le Pérou. Je vois la partie qui est concernée. Je vois des bâtiments abandonnés. Areas of peligros, dangerous places. La région de peligros, des endroits dangereux. I see a corner building, a building that's at the corner. Je vois un bâtiment d'angle, un bâtiment qui est à un angle. an intersection, I think, of a road. One goes to the left, one to the side. It's really sitting right there. À une intersection, une route part à gauche, l'autre à droite. Il est vraiment posé juste là. And then one whose windows have been demolished. Et ensuite un dont les fenêtres ont été démolies. And I see some tower high. I see some soldiers there with weapons. Et je vois quelques tours hautes. Je vois quelques soldats là-bas avec des armes. And so he takes me across different parts of Peru. Ainsi, il m'a pris à travers différentes parties du Pérou. Takes me across the city of Lima. M'a emmené à travers la ville de Lima. Then different parts of Peru. Ensuite, différentes parties du Pérou. So the Spirit of the Lord is already on the ground. Ainsi, l'Esprit du Seigneur est déjà là-bas. He's already, walking on the ground. Il marche déjà sur le sol. He's supervising the condition of the land and reporting. Il supervise la condition du pays et la rapporte. And the Lord is drawing the areas of concern at this hour. Et le Seigneur montre les contrées qui nous concernent en cette heure. Because as you all know, right now, all the heavenly envoy and the mystery. Parce que comme vous le savez tous, juste maintenant, tous les envoyés célestes et l'émissaire is focused on Peru. Est concentré sur le Pérou. The Lord is speaking about Peru, Lima, Peru, the big visitation coming there. Le Seigneur parle du Pérou, de Lima, Pérou, la grande visitation qui vient là-bas. Then after that. Ensuite, après cela. I see that when I arrive in Peru. Je vois que lorsque j'arrive au Pérou, there is a big media conference that has been organized. Il y a une grande conférence de presse qui a été organisée. The big press conference media. Une grande conférence de médias. And after the media conference, I see a second meeting they are waiting. Et après la conférence de médias, je vois un second rassemblement. Ils attendent. These must be the organizers. Ces organisateurs particuliers. Very precious sheep of Christ they are waiting. Des brebis de Christ très précieuses. Ils attendent. All of them very, very precious people. Tous de très, très précieuses personnes. Before the Lord, the way he presents them to me, he really. Devant le Seigneur, la manière dont il me les présente, vraiment. He's fond of them. He really loves them very much. Il les aime vraiment beaucoup. The people of Peru. Les gens du Pérou. And so I see they are meeting somewhere, sitting around round tables. Ainsi, je les vois. Ils sont rassemblés quelque part, une table ronde. The organizers are ushered in there. Et les organisateurs, il y a certains placeurs là-dedans. They're after the conference. Après la conférence. The media conference was a little late. La conférence des médias sera un peu tard. So I sent a message. Ainsi, j'ai envoyé un message. Tell them I'm still attending the media conference. I'm coming to them. Pour leur dire, je suis encore à la conférence des médias. Je viens à vous. Where all the media was arrayed when I just arrived. Où tous les médias étaient arrangés quand je suis juste arrivé. Et ensuite, après cela, je vais maintenant et je parle aux organisateurs. Les hommes, les pasteurs, et ils viennent là, ils sont assis autour d'une table ronde. So, ainsi, I come to them and begin to talk to them about. Je viens à eux et je commence à parler avec eux à propos. The visitation of the Lord to Peru and what the Lord is saying to that nation at this hour. De la visitation du Seigneur au Pérou et ce que le Seigneur dit à cette nation en cette heure. And the continent of South America. Et au continent d'Amérique du Sud. Now, the last part of the conversation is. Afternoon, the real reason why he does not allow me to step out today. Maintenant, la dernière partie de la conversation, la réelle raison pourquoi il ne m'a pas permis de sortir aujourd'hui, is because c'est parce que the third part, la troisième partie, then the Lord takes me to a place and I look up and see heaven open. Le Seigneur m'a emmené à un endroit et j'ai regardé en haut et je vois les cieux ouverts. And when heaven opens, et quand les cieux s'ouvrent, then I see the glory of the Lord beam down towards where I was standing. Alors je vois la gloire du Seigneur briller là où je me tenais. And then I see the super glorious dove. Et ensuite je vois la colombe super glorieuse. God, the Holy Spirit himself, Dieu, le Saint-Esprit, lui-même, descending all the way from heaven, descendant tout le chemin des cieux, super glorious, he was radiating the glory as he was coming, super glorieuse, elle rayonnait la gloire, elle venait, flapping the leaves, battant des ailes, flapping the wings, battant des ailes, flapping his wings as he came, battant des ailes comme elle venait, until he lighted on my head and he was doing flapping his wings, jusqu'à ce qu'elle éclaire sur ma tête et elle battait des ailes, his wings his wings flapping going up, coming down, battant des ailes, allant en haut, venant en bas, lighting on my head again and éclairant sur ma tête à nouveau et flapping his wings, battant ses ailes, going up, going around, allant en haut, allant autour, head again and lighting autour de ma tête et éclairant sur ma tête. And then after that, he flew back towards heaven. Et ensuite, après cela, elle est retournée vers les cieux. So, this is a very tremendous moment in the history of the church, beloved people. Et ainsi, c'est un moment extraordinaire dans l'histoire de l'Église, peuple bien-aimé. Again. À nouveau. The last part of this conversation. La dernière partie de cette conversation. The Lord takes me to a place. Le Seigneur m'emmène à un endroit et il me fait regarder le ciel dans les cieux and I see heaven open, et je vois les cieux ouverts and the glory of the Lord beams right where I was standing in rays, et la gloire du Seigneur brillait juste là où je me tenais dans les rayons. And then after that, I see this tremendous visitation. Et ensuite, après cela, je vois cette visitation extraordinaire of the Godhead. De la divinité. God, the Holy Spirit, comes down himself in bodily form. Dieu, le Saint-Esprit, descend lui-même sous la forme d'un corps. And he comes flapping his wings. Et elle est venue battre des ailes comme elle descendait. And the more he was coming down, the more radiance and glory was beaming and shining. Et plus elle descendait, plus la luminosité et la gloire rayonnaient et brillaient. As he came and then lighting on my head. Comme elle venait et ensuite éclairant sur ma tête. And beating his wings. Battant des ailes. And then he goes up like about half a meter, comes back again. Et ensuite, elle monte comme environ un demi-mètre, revient à nouveau on the head, on my head. Sur le haut de ma tête. And then he goes left again, comes back and then. Et ensuite, elle va à gauche à nouveau, revient. He goes right again, comes back. Elle va à droite à nouveau, revient. Lighting on my head, his feet touching on my head. Éclairant ma tête, ses pieds touchant ma tête. And flapping the wings, and then all of a sudden he now left. Et battant des ailes, et ensuite tout à coup, elle a quitté. Was the entrance that was open. Vers l'entrée qui était ouverte. And I saw him enter heaven. Et je l'ai vu entrer aux cieux. So this is a tremendous sign, beloved people. The Messiah is coming. Ainsi, c'est un signe extraordinaire, peuple bien-aimé. Le Messie vient. There is a big visitation ongoing on the earth. Il y a une grande visitation qui vient sur terre. And the Lord has instructed repentance. Et le Seigneur a instruit la repentance. That all nations. Que toutes les nations. Have now been called repentance. Ont maintenant été appelés à la repentance. That they may turn away from sin and receive Christ Jesus as their Lord and Savior. Et qu'elles se détournent du péché et reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, that only the religion of the cross, que seule la religion de la croix, only the Messiah will be able to deliver the nation, seul le Messie sera en mesure de délivrer les nations into the glorious kingdom of heaven, dans le royaume glorieux des cieux. There's no other way, il n'y a pas d'autre chemin. And he is now called all the nations, et maintenant, il appelle toutes les nations, the churches, the pulpit globally, to turn away from sin, les églises, la chair, au niveau mondial, de se détourner du péché, to purify the church, de purifier l'église, that her radiance may be seen, the fine linen, que son éclat soit vu, le fin lin, bright and clean, éclatante et pure, that you see in Revelation chapter 19, que vous voyez dans Apocalypse chapitre 19, verse 8, verset 8, which is the righteousness of the church ought to shine now, qui est la justice de l'église doit briller maintenant, that the pulpit ought to prepare now, la chair doit maintenant préparer, the sheep of Christ, les brebis de Christ, in that fine linen, bright and clean, the righteousness of the Lord in the church, dans ce fin lin éclatant et pur, la justice du Seigneur dans l'Église, que la sanctification soit le centre de l'expérience d'adoration chrétienne en cette heure. Et ainsi, le Seigneur a appelé les nations à préparer le chemin pour la venue du Messie. I have seen the Messiah coming, beloved people. J'ai vu le Messie venir, peuple bien-aimé. So this is a tremendous time, even this visitation I've just shared with you. Ainsi, c'est un temps extraordinaire, même cette visitation que j'ai partagée avec vous. You know that only the Messiah, vous savez que seul le Messie, had this visitation, a eu cette visitation. And right now I'm reading from the book of Matthew. Et juste maintenant, je lis de l'évangile de Matthieu. Matthew chapter 3 verse 16, it says, Matthieu chapitre 3 verset 16, il dit, and when Jesus, I'm reading amplified, and when Jesus, et lorsque Jésus, je lis la version amplifiée, was baptized, a été baptisé, he went up at once out of the water, il est sorti de l'eau, and behold, et voici, the heavens were opened, les cieux se sont ouverts, and he, John the Baptist, et lui, Jean-Baptiste, saw the Spirit of God, a vu l'Esprit de Dieu, God the Holy Spirit, Dieu le Saint-Esprit, descending like a dove, descendre comme une colombe, and alighting on him, éclairé sur lui. This is what just happened. C'est ce qui est juste arrivé. A few hours ago, about 3-4 hours ago, what just happened? Environ 3-4 heures auparavant, c'est ce qui est juste arrivé. Today here. Aujourd'hui ici. And then after that. Et ensuite après cela. You see now in the book of Isaiah. Vous voyez maintenant dans le livre d'Ésaïe. Isaiah chapter 61. Ésaïe chapitre 61. You see that the Lord after that, vous voyez que le Seigneur après cela, he walks into the tabernacle, the temple of the Lord, and he reads, he says the following. Il est entré au tabernacle, au temple du Seigneur, et il a lu, il a dit ce qui suit. He reads, the Spirit of the Lord, il lit, l'Esprit du Seigneur Dieu is upon me, est sur moi, because the Lord has anointed and qualified me, parce que le Seigneur m'a oint et m'a qualifié, to preach the gospel, pour prêcher l'évangile, of good tidings to the meek, de la bonne nouvelle aux faibles, the poor, aux pauvres, and afflicted, et aux affligés. He has sent me to bind up and heal the brokenhearted, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, to proclaim liberty to the physical and spiritual captives, proclamer la liberté aux captifs spirituels et physiques, and the opening of the prison, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, and of the eyes of those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, the year of his favor, and the day of vengeance of our God, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, to comfort all who mourn, pour consoler tous les affligés, to grant consolation and joy to those who mourn in Zion, pour amener consolation et joie à tous les affligés de Sion, and to give them an ornament, a garland, and diadem of beauty, et pour leur donner un diadème de beauté instead of ashes, au lieu de la cendre, the oil of joy instead of mourning, une huile de joie au lieu du deuil, the garment and expressive of praise instead of heavy burden and failing spirit, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. So this is a tremendous time, beloved people. C'est un temps extraordinaire, peuple bien-aimé. The burden and failing spirit, he says, to replace them with praise. Les fardeaux et les esprits abattus, il les remplace avec de la louange. That they may be called the oak of righteousness. Pour qu'ils puissent être appelés les térébintes de la justice. Lofty, strong, magnificent, distinguished for uprightness, justice, and right standing with God. Pour la droiture, la justice et être en ordre avec Dieu pour servir à sa gloire. The planting of the Lord. Une plantation du Seigneur. And he says, and he may be glorified. Et il dit, et qu'il soit glorifié. So, beloved people, the Messiah is coming. Ainsi, peuple bien-aimé, le Messie vient. This is he about whom the scriptures wrote. C'est celui à propos de qui l'Écriture a écrit. When the Lord promised the nations of the earth in the book of Malachi chapter 3 verses 1 to 5. Quand le Seigneur a promis aux nations de la terre dans le livre de Malachi 3 versets 1 à 5. And Malachi chapter 4. Et Malachi chapitre 4. Verses 5 to 6. Versets 5 à 6. I will send you the prophet Elijah. Voyez, je vous enverrai le prophète Élie. Who will prepare all things. Qui préparera toutes choses. Before the dreadful day. Avant le jour redoutable. Of the Lord. Du Seigneur. Behold. So beloved people, the Lord has taken me to Israel. Ainsi, peuple bien-aimé, le Seigneur m'a emmené en Israël. And he has shown me the lineage of he who speaks with you. Et il m'a montré la lignée de celui qui parle avec vous. And the relation to the Messiah. Et la relation au Messie. This day here. En ce jour ici. And then the Lord has also opened heaven. Et ensuite, le Seigneur a aussi ouvert les cieux. And God, the Holy Spirit himself, et Dieu, le Saint-Esprit lui-même, has descended and lighted on him that speaks with you today, est descendu et a éclairé sur lui, sur celui qui parle avec vous aujourd'hui. And remember that when God, the Holy Spirit, comes down, et souvenez-vous que lorsque Dieu, le Saint-Esprit, descend, the Godhead, Dieu, la divinité, a member of the triunity comes down, the Godhead, et souvenez-vous quand la trois unités descend, la divinité. He never comes down alone. Il ne descend jamais seul. God the Father was there. Dieu le Père était là. And God the Son was there. Et Dieu le Fils était là. They normally come down in a heavy, heavenly entourage. Il descend normalement avec un lourd entourage céleste. With all the heavenly hosts. Avec tous les hôtes célestes. That's why you see on the mountain. C'est pourquoi vous voyez sur la montagne of Mount Sinai, du Mont Sinaï, they were not even allowed to take the foot of the mountain because of the advanced heavenly hosts that had saturated. Ils n'étaient même pas autorisés à toucher le pied de la montagne à cause de l'avance, les hôtes célestes that had saturated and come et sont venus in advance of the visitation. En avance sur la visitation. So this is a tremendous time in the history of the church. Ainsi, c'est un temps extraordinaire dans l'histoire de l'Église. And the Messiah is coming, beloved people. Et le Messie vient, personne bien-aimée. Prepare the way. Préparez le chemin. Change your way. Repent. Turn away from sin. Changez vos manières. Repentez-vous. Détournez-vous du péché. Reject the moral decay of this world. Rejetez la décadence morale de ce monde. Focus on heavenly treasure. Concentrez-vous sur les trésors célestes. Focus on your inheritance in Christ Jesus the Messiah. Concentrez-vous sur votre héritage en Jésus-Christ le Messie. I have seen the king coming. J'ai vu le roi venir. And in Israel, they were saying, look. Et en Israël, ils disent, regardez. He is a relative. C'est un parent. He is a relative of the king. C'est un parent du roi. He is the relative of the king, and so the Hebrew people came. C'est un parent du roi, et ainsi le peuple hébreu est venu. And I began to give them the message of the Lord. Et j'ai commencé à leur donner le message du Seigneur. So they need to receive Christ Jesus as Lord. Ainsi, ils ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. The Jewish Messiah. Le Messie juif. That he is coming to deliver them. Qui vient les délivrer. But for this moment, mais pour ce moment, the church needs to prepare to climb the glorious stairs of heaven. L'Église a besoin de se préparer à monter l'escalier glorieux des cieux. And enter into the glorious kingdom of eternity. Et à entrer dans le royaume glorieux de l'éternité. And that's why he that speaks with you has been sent. Et c'est pourquoi celui qui parle avec vous a été envoyé to guide the church into safety, pour guider l'Église dans la sécurité. Safe exit from here, because after this comes a tremendous conflict. Une sortie sûre de là, parce qu'après cela vient le conflit énorme that involves he that speaks with you. Qui implique celui qui parle avec vous. May the Lord bless you. Toda rabba, toda lachem, toda, toda. Que le Seigneur vous bénisse. Toda rabba, toda lachem. Toda, toda. Toda, toda.